Chapitre 53e. Son mari, c'était son mari qu'elle recevait comme un amant. Quelle femme était-elle donc? Le premier mouvement du marquis fut de monter à sa chambre, il s'expliquerait. Mais au moment de rentrer dans le château, il s'arrêta. Lui, pénétré dans cette chambre où le capitaine Beaujoly avait passé la nuit. Il revint sur ses pas et se dirigea vers le parc. Avant tout, il devait apaiser, par la marche et la fatigue, les mouvements de fureur qui le soulevaient. Il ne voulait pas l'étrangler, il devait être calme, maître de sa volonté et de sa raison. Pendant 4 heures, il alla devant lui, marchant à grands pas, sans savoir où il allait. Les ouvriers qui le virent passer le chapeau à la main, la tête empourprée, les cheveux fumants, se demandèrent s'il était devenu fou. Et de fait, il l'était pour le moment, fou de jalousie, de rage, d'humiliation, de douleur. Ce fut à 7 heures seulement qu'il rentra au château. Elle devait être levée, habillée, il pourrait lui parler. Il la fit appeler. Presque aussitôt, elle descendit. Elle était coiffée, habillée comme à l'ordinaire, mais elle n'avait point la démarche légère, le visage souriant qu'elle montrait habituellement, grave au contraire, avec une tristesse qui manifestement se contraignait. Il était assis dans un fauteuil, devant son bureau, les mains jointes, dans une contraction nerveuse, calme en apparence, au fond du cœur bouleversé. Sans rien dire, il la regarda entrer et longtemps il tint ses yeux fixés sur elle, mais elle détourna les siens dans un mouvement de confusion. « Vous avez bien dormi ? » demanda-t-il enfin. « Non, » répondit-elle d'une voix rauque, « je n'ai pas dormi. »« Ah, vraiment, vraiment !» Il la regarda de nouveau. Elle était debout devant lui dans une attitude désolée. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi silencieux. La première, elle rompit le silence. « Vous m'avez fait appeler, » dit-elle. « Oui. » À son tour, il baissa les yeux et parlant d'une voix dure. « Pour vous dire que nous devons nous séparer. Mon Dieu !»« Vous devez comprendre, sans qu'il soit besoin d'explication entre nous, qu'il m'est impossible de garder une institutrice qui, au vu et au su de mes domestiques, reçoit la nuit par la fenêtre un homme, alors même que cet homme est son mari. » Elle leva les deux bras au ciel dans un geste désespéré, et un flot de larmes jaillit de ses yeux. Puis tout à coup, se jetant en avant, elle vint tomber aux pieds du marquis et se cacha la tête sur ses genoux, elle éclata en sanglots. « Écrase-moi, tue-moi » disait-elle d'une voix saccadée. « Je suis une misérable, une femme sans force et sans courage. » Puis relevant la tête et le regardant passionnément, « Tue-moi, tue-moi » répéta-t-elle. Dans ses mouvements désordonnés, ses cheveux s'étaient défaits. Ils flottaient épars sur ses épaules et leurs boucles légères effleuraient les mains du marquis. C'était un des charmes de sa personne que cette chevelure, et elle ne se montrait jamais plus séduisante que quand elle pouvait la laisser échapper du peigne et des épingles qui la retenaient. Au milieu de leurs boucles noires, frisantes, son visage d'une pâleur mate resplendissait, ses yeux lançaient des éclairs. En ce moment noyé dans les larmes, ses yeux semblaient égarés par le désespoir de la passion. « Mourir de ta main ? » disait-elle, « mais frappe donc !» Elle se courba sur lui, tendant les épaules. Sur ses mains, il sentit un souffle brûlant. « Tu ne veux pas ? » s'écria-t-elle. « Eh bien alors tu sauras tout. » Et se relevant, elle courut passer les verrous aux portes. Cela fait, elle revint vers lui et de nouveau elle se jeta à ses pieds. Il voulut la relever mais elle résista et s'arracha de ses mains. « À tes pieds, » dit-elle, « comme une coupable que je suis, comme une misérable. Écoute-moi. Je n'ai rien à écouter, j'ai vu. Vous l'avez vu descendre, mais ce que vous devez savoir... C'est comment il est entré. Que m'importe ? Épargnez-moi ces détails outrageants. Il m'importe à moi. Lorsque nous allons être séparés, un sanglot lui coupa la voix. Je veux que vous me plaigniez. Je ne veux pas que vous me méprisiez. Car si vous ne m'aimez plus, moi je vous aime. Je vous adore. Il se recula vivement. Elle resta à genoux devant lui, les bras ballants dans l'attitude d'une suppliante. Avant-hier soir, dit-elle, vers 11 heures, j'allais me coucher. Lorsque j'entendis contre mes fenêtres plusieurs coups secs, comme si les vitres eussent été frappées par des petits cailloux. Vous savez que je ne suis pas peureuse et que je veux toujours me rendre raison de tout. J'allai à la fenêtre. Un homme était sur l'esplanade. Mon premier mouvement fut de me rejeter en arrière, mais j'eus honte de cette faiblesse et je regardais. Au moment même, l'homme relevait la tête vers moi et un rayon de lune le frappait en face. En face, c'est impossible. En face ou de côté, je ne sais. Mais enfin, ce rayon l'éclairait assez pour que je reconnusse mon mari. J'ouvris la fenêtre. J'ai à vous parler, me dit-il. « Demain, lui répondis-je. Non, tout de suite. Je n'ai pas de clé pour ouvrir. Je vais prendre une échelle et monter par le balcon. J'en ai vu dans les communs. Allez-vous-en, demain. » Il s'en alla en effet. Mais ce fut pour revenir bientôt, portant une échelle sur son épaule. En moins de temps que je n'en mets à vous le raconter, il fut sur mon balcon. Que faire? Me sauver, crier, appeler? C'était impossible. Je devais avant tout penser à Denise. Je tâchais de me défendre avec des paroles plus ou moins adroites. Mais comment? C'était contre mon mari que je me défendais. Un mari que j'aimais. Il y a quelques mois, quand nous nous sommes séparés, et que je n'aimais plus à cette heure, parce qu'un nouvel amour, tout puissant, mais coupable, était entré dans mon âme. Je cherchais des paroles, mais il devina bien vite qu'elles n'étaient pas sincères. Il me reprocha de ne plus l'aimer, d'en aimer un autre. Et quel autre pouvais-je aimer, si ce n'était vous? Alors ce ne fut plus moi seul que j'eus à défendre, ce fut encore celui qu'il appelait son rival. Jamais situation fut-elle plus cruelle que la mienne? Elle se cacha la tête entre les mains, incapable de continuer cette terrible confession. Ce n'était point ainsi que le marquis avait imaginé que les choses s'étaient passées. Il respira. Le feu qui le dévorait s'éteignit. « Pourquoi hier matin ne m'avez-vous avoué la vérité ? » dit-il en se rapprochant. « Avouez ma honte à toi ! » s'écria-t-elle. « Avouez que je n'avais pas pu me défendre, que je n'étais plus digne de ton amour. Je serais morte avant. Aussi, maintenant que cette horrible vérité est connue, maintenant que j'ai dû parler, la mort par ta main sera ma délivrance. » Elle se leva, et prenant sur le bureau un poignard, elle voulut le lui mettre dans la main, mais il le jeta au loin. « Tu ne veux pas, » dit-elle désespérément, « tu ne me juges pas digne de ta colère. Arthur, vous êtes implacable pour une victime de la fatalité. » Et elle se tordit les bras et laissa échapper un sanglot étouffé. « Je vous aimais tant, » dit-il, les yeux baissés, comme s'il se parlait à lui-même. Elle saisit sa main et la baisant à plusieurs reprises passionnément. « Adieu, » s'écria-t-elle, « je ne peux plus soutenir votre regard. Adieu !» Mais de la main, lui saisissant le bras, il la retint fortement. Il s'était levé pour l'atteindre. Ils restèrent en face l'un de l'autre, se regardant longuement. Clémence, éperdue, folle, le marquis profondément troublé. Tout à coup elle vint à lui et l'étreignant dans ses deux bras. « Tu ne veux pas me tuer ? » s'écria-t-elle, la tête levée vers lui. « Tu ne veux pas me laisser te fuir ? Eh bien, partons ensemble, emmène-moi loin d'ici, enlève-moi. Nous serons l'un à l'autre pour toujours. » Elle s'arrêta et le regarda avec extase. « Pour toujours, je pourrais t'aimer librement, te dire tout haut que je t'adore, te le prouver à chaque instant, dans ces mille petites choses de la vie qui sont si puissantes pour le cœur, à toi, entièrement à toi. » La raison du marquis s'égarait sous cette parole ardente et tremblante. Sous ses étreintes, son sang s'enflammait. « Si je reste ici, continua-t-elle, je n'ai qu'à mourir, car vivre près de lui serait impossible, et vivre loin de toi, plus impossible encore. Quand on était aimé par Arthur de Rudemont, on ne peut plus l'être par personne. Il doit revenir ce soir. Je t'en supplie, emmène-moi. Mais c'est loin de la France qu'il faut nous enfuir, dans un pays où il ne pourra pas nous rejoindre, où nous serons cachés, où je serai ta femme. Arthur, ta femme. » À plusieurs reprises, elle répéta ces deux mots, « ta femme », chaque fois avec un accent plus passionné. Que d'espérance, que de promesses dans ces deux mots. C'était tout un poème de félicité. Il ne pensait plus à ce qu'il avait vu. Il n'était plus dans le passé, mais dans l'avenir, entraîné, emporté par cette parole vertigineuse. Penché sur elle, il plongeait dans ses yeux, où il voyait, comme dans un miroir magique, se dessiner l'avenir qu'elle appelait. Mais brusquement, elle s'arracha ses bras et se rejetant loin de lui. « Malheureux que nous sommes, s'écria-t-elle, fous de nous laisser entraîner par ses rêves. Est-ce que tu peux être à moi ? Et qui peut nous séparer ? Tu me feras oublier ce que j'ai vu. Ce n'est pas du souvenir que je parle, c'est de toi, c'est de ta fille. » Elle se tut, écrasée par cette évocation, mais bientôt elle reprit. « Séparons-nous, il le faut. Laissez-moi retourner à ma triste destinée. S'il faut en mourir, j'en mourrai. Au moins tu auras fait ton devoir. Tu ne peux pas être à moi puisque tu es à ta fille. Et nous l'avions oublié, sommes-nous coupables ? Nous retirer à l'étranger, vivre ensemble à Naples ou à Venise, au bord de la mer, et elle ? Nous nous cachons d'elle ici, et à Venise ou à Naples, ses yeux ne seraient-ils pas aussi redoutables qu'ils le sont dans ce château, Le rêve était trop beau. Il paraissait hésitant, comme s'il ne pouvait se résoudre à prononcer des paroles qui restaient sur ses lèvres. « Entrons dans la réalité, » dit-elle. « Entrons-y d'un pas courageux. Séparons-nous. Et que cette entrevue soit la dernière entre nous. Dans une heure, j'aurai quitté rudement, car je ne veux pas que vous ayez à supporter de nouveau l'horrible supplice que vous avez enduré cette nuit. Vous qui m'aimiez tant, comme je vous ai fait souffrir. Votre main, Arthur. » Elle lui prit la main et la baisa longuement, puis, se cachant les yeux avec son mouchoir, « Adieu, monsieur le marquis. » Elle fit un pas vers la porte, mais elle n'alla pas plus loin. De ses deux bras, il l'avait enlacée. « Nous partirons ce soir, » dit-il, « tous deux ensemble. Et Denise, que lui dirons-nous ? Rien. Denise ne viendra pas avec nous. » La joie la suffoqua, elle s'abattit contre lui.